Frédéric Sigrids, merci pour ton émission sur Asimov. J'ai beaucoup appris sur la vision portée par les humains sur notre communauté robotique. Fin du message. Oui, bonjour, c'est William. Eh bien, je vous écoute, c'est très intéressant tout ça. Et je me demande où vos invités situent Van Vogt dans tous ces auteurs de science-fiction que j'ai bien sûr lu depuis fort longtemps. Voilà, à bientôt. Oui, j'ai un message pour le robot qui présentait des missions au sujet de Isaac Asimov à la place de Frédéric Sigrist. C'était très très bien, mais maintenant il faut laisser Frédéric revenir. Salut Blockbuster, je m'appelle Victor, je suis un enfant de 8 ans. J'ai adoré vos émissions et je viens vous remercier. Mes trois préférés, c'était X-Men, Les Cités d'Or, Ulysse 31 et Naruto. Merci, au revoir pour les émissions. To be or not to be, not to be. Qu'est-ce qu'ils sont lourds les fans de Kaamelott à répéter leur réplique H24, faut vraiment qu'ils se trouvent une vie, hein. Ça, c'est le genre de commentaire empreint de cette bienveillance si caractéristique du 21e siècle qu'on peut trouver sur Twitter. Car entre deux tweets sur la situation des femmes en Afghanistan et les urgences Covid en Martinique, les tweetos font aussi conseiller d'orientation, police du bon goût, serrurier et carreleur sur leur temps libre. J'ai connu des marabouts plus modestes sur leurs capacités. Sur les réseaux sociaux, les gens ont une telle estime d'eux-mêmes, mais c'est fascinant pour moi. Moi qui peux être mis en échec par un paquet de fromage râpé, ouverture facile. Parce que du haut de mes 43 printemps, bien avant Kaamelott, j'ai souvenir d'avoir entendu des spectateurs répéter les répliques des visiteurs au-delà du raisonnable. Le film des Inconnus et les Trois Frères a lui aussi fait les belles heures des cours de récréation. Rabbi Jacob, la chèvre, la cité de la peur, bienvenue chez les ch'tis, les tuches. Faites pas genre, ça fait tout juste 10 minutes qu'on a commencé à être lourd avec les comédies qu'on adore. C'est le pouvoir sacré des comédies populaires cultes de se transmettre au-delà de son média d'origine. Une comédie, c'est des répliques qui rentrent dans nos vies de tous les jours, des passages qu'on se remémore entre proches et qui, par tradition orale, deviennent des fois plus drôles que quand on les a entendus la première fois. Une bonne comédie, c'est juste un petit plaisir. Et le plaisir, n'en déplaise, ça ne se boude pas. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Festival de Cannes, premier jour. C'est quoi ça, de l'hermine tachetée? Qu'est-ce que c'est? Mais je vais pas griller, je t'ai dit, je vais pas griller, combien? À demain, monsieur Jacques. Une seconde, mon poussin, comment? Je dis à demain, j'espère qu'on aura plus de monde qu'aujourd'hui. Hein. Moi, de toute façon, je suis payé pareil. Couvrez-vous, il pleut. Je crois que ça s'est arrêté, là. Bon, allez, vous invitez à votre épouse, hein? Ouais. J'y manquerai pas. Quoi? Alors, c'est combien? Au revoir. C'est combien, de l'hermine tachetée? Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Oh, attention chérie, ça va couper. En 1994, le trio d'humoristes Les Nuls, composé d'Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia, sortent leur premier film sur grand écran, La Cité de la Peur. Auréolé de leur précédent succès télévisuel sur la chaîne Canal+, le groupe sort alors ce qui est considéré comme un ovni au regard des comédies françaises de l'époque. Mise en abîme et déclaration d'amour au cinéma à la fois, inspirée par l'humour absurde des comédies de Zucker, Abraham et Zucker et des Monty Pythons, La Cité de la Peur est immédiatement un succès populaire devenu culte au fil des années. Pour revenir sur ce monument de l'humour français, j'ai avec moi Lucie Bellet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de l'émission Cinéphile Facile sur YouTube. Tout à fait, c'est un plaisir d'être là. Merci Frédéric. Je suis ravi. Avec nous, de retour également, Mélanie Toubeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de la chaîne La Manie du Cinéma sur YouTube également. Oui, merci encore de m'inviter. Nouveau venu, et on est ravis, Théo Ribeton, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Les Arocs. Oui, absolument. Et merci beaucoup de m'avoir invité également. Bah, c'est bien, tout le monde le dit. Bah, voilà, mais on le dit pas assez. C'est formidable. Et de retour, Océane Zermidi, bonjour. Bonjour Frédéric, et merci de m'avoir invité. Je suis la première à le dire avant tout. C'est formidable. Vous êtes créatrice des podcasts Lemon Adaptation Club et Infusion. Tout à fait. Ensemble, on va revenir sur la création de ce film de Les Nuls, véritable aboutissement de leur sketch et de leur univers sur Canal+. C'est quoi au fond l'humour de Les Nuls? Est-ce si nul que ça justement? Ou est-ce qu'il n'y a pas bien au contraire une forme de raffinement dans l'écriture et la réalisation qui ont conféré à ce film un statut qui va bien au-delà de la blague entre potes? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre pendant une heure. En tout cas, je suis bien content de vous retrouver. Et quand je suis content... Non, je vomis pas. Cannes, deuxième jour. L'enterrement a lieu mardi prochain, je pense. Mardi? Mais non, je pourrais pas. Sinon, je serais mieux avec plaisir. Ah, donne du thé? Volontiers, oui, merci. C'est lui? Non, ça, c'est mon chien. Oh, bien sûr, oui. Parlez-moi de lui, je le connaissais assez peu, finalement. C'était un très beau berger allemand, bien dressé, on a tous les papiers. Non, non, je parle de votre mari. Jacques. Ils me l'ont massacré avec la faucille et le marteau, mais si vous l'aviez vu en entier, bel homme, bien, propre, généreux, généreux. Pardon, du sucre. 16. C'est amusant parce que le film dont je m'occupe, c'est l'histoire d'un tueur qui tue les gens à la faucille au marteau. C'est incroyable, non? Regardez, c'est son dernier cadeau. Je lui dis, Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit banco. Oh, l'effet que ça m'a fait ce matin quand j'ai ouvert le journal et que j'ai vu qu'on parlait de mon film. Je l'entends encore, banco. Remarquez forcément, hein, je suis attachée de presse. Alors qui dit attachée de presse, dit presse. Pour ce qu'on s'en servait de cette caravane, en plus. Mais quand je pense qu'il a fallu un meurtre pour qu'on parle de mon film. Enfin, quand je dis parler, il y a un journal qu'on a parlé. Ça n'est jamais servi de la caravane. Ah si, une fois. Non, deux. Il y a eu deux journaux. Remarquez qu'il aurait été en parler, j'ai personne du film. Le metteur en scène, il est à l'asile. Le producteur, il est en tôle. Le comédien, ah si. Je crois qu'il est libre, je crois qu'il n'a rien tourné depuis. Vous croyez qu'on s'en serait servi de la caravane, Ben? Ça faisait des mois qu'il traînait dans le garage à prendre la poussière. Parce que si je le fais descendre, alors là, je vais monter la sauce. Les gardes du corps, tout le tralala. Et puis je vois déjà les titres des journaux. La vedette de Red Is Dead descend à Cannes au péril de sa vie. Oh, c'est bien ça. Vous avez un téléphone? Je lui dis, Jacques, c'est l'Hermine ou la caravane? Il m'a dit, pas encore. Théo Rebeton. Quand Les Nuls lancent ce film, ce premier film et leur seul et unique film ensemble sur grand écran, ils ont déjà une carrière absolument phénoménale et ils sont très connus du public français. Oui, c'est des superstars. Bon, alors évidemment, je parle. Moi, je suis né en 91. Je précisais que quelque part, je pense que c'est des phénomènes qu'il faut avoir connus pour pouvoir totalement en témoigner. Mais bon, j'ai quand même lu dessus. Et effectivement, ce sont des superstars. Et d'ailleurs, le film est annoncé avec beaucoup d'avance et était un peu une arlésienne. La télévision faisait régulièrement des gags dessus, les nuls font un film, et on savait pas quand est-ce qu'il arrivait, donc il y a une attente énorme dessus, parce que ce sont les rois, c'est-à-dire que c'est les rois de Nulle Part Ailleurs qui est l'émission reine de Canal+, qui est la chaîne reine de la télévision, donc oui, ils sont au centre de tout et on les attend énormément, et la comédie c'était sûrement une des comédies qui a été le plus attendue de cette décennie. Et c'est vrai que le cinéma a cette image d'art noble qui a longtemps été opposé à ce qu'on pouvait faire à la télévision. Et donc quand on voyait les sketchs des nuls à Nulle Part Ailleurs, justement, avec le JT des nuls, Objectif Nul, tout ça, on était vraiment dans une grammaire même de l'humour qui était totalement différente de celle qu'il y avait dans les comédies de l'époque. Et donc est-ce que pour justement le monde sacré du cinéma, il n'y avait pas un petit peu genre « Oh, ils vont se planter ». Mélanie? Je sais pas, parce que pour le coup, je pense qu'ils ont aussi... ils sont beaucoup inspirés, en fait, du cinéma américain. Donc, je sais pas si... Comme collège, moi, je suis née en 94. C'est mon film anniversaire, on va dire, mais j'ai pas connu à l'époque, mais je sens quand même qu'il y avait cette envie de faire une comédie à l'américaine, de faire du gag, comme vous citiez tout à l'heure, comme les As, comme les Monty Python, ou comme Mel Brooks, qui était, fin 80, 90, c'était des superstars de l'humour burlesque. Et je pense que quand même, comme il y avait cette inspiration qui était très présente, peut-être que justement, on leur donnait espoir. Et vu que vous êtes tous et toutes plus jeunes que moi, non, vous l'entendez, l'alarme qui s'écrase comme ça sur le bureau. Comment vous avez découvert le film, Océane? Alors moi, ça a été un souvenir traumatisant, vraiment. C'est que je l'ai découvert à la télévision un soir où je devais avoir 7 ou 8 ans. Et en fait, dès le premier meurtre, j'ai été terrorisée par la faucille et le marteau. Et j'ai éteint tout de suite et j'ai dû attendre près de 15 ans pour le revoir. Et je l'ai vraiment vu en entier seulement l'an dernier pendant le confinement avec mon copain qui est projectionniste. Donc on était un petit peu dans l'ambiance. Donc c'est-à-dire que ce faux tueur dans cette parodie de film d'horreur tue des projectionnistes, enfin dans le film, dans le film d'horreur, il ne tue pas des projectionnistes, il tue tout le monde. juste des riches en fait, parce que c'est un communiste qui tue des riches parce qu'il ne supporte pas leur mode de vie. C'est ça. Et donc c'est ça qui vous a fait peur. Mais c'est ça, et puis en fait, la mise en scène de Red is Dead, du coup, elle fonctionne pas sur nous en tant qu'adultes, mais quand on est petite, je pense qu'on est très impressionnable. Et ça m'a un peu fait le même effet que l'introduction de Blowout de Brian De Palma, où ça commence sur un plan un peu voyeuriste d'un tueur qui rentre dans les douches. Et ensuite, le cri de la dame qui se fait tuer, c'est un miaulement ridicule. Et en fait, en revoyant le film, je me suis dit que c'était exactement cet effet-là que ça avait eu sur moi. Et du coup, c'était d'autant plus drôle de le revoir avec toutes ses connaissances en tant qu'adulte. Lucie Bellet? Moi, je l'ai découvert. J'étais jeune. Je suis plus jeune que le film, hein, donc je vais pas la ramener non plus. Mais c'est ma mère qui me l'a montré parce que ma mère, elle était très cliente d'humour Canal, en fait. Et du coup, quand le film est sorti, elle l'a adoré. Elle me l'a montré quand j'ai été en âge de le voir et de l'apprécier. Et c'est vrai que de l'avoir vu assez jeune, ça fait que c'est c'est à l'origine de mon humour et de ce que j'aime voir au cinéma et de ce qui me fait rire au cinéma. Et comment on explique, Théo Ribeton, que le film est tellement marqué immédiatement, à un tel point que désormais on entend les parents le transmettent, il y a presque un devoir de mémoire aux plus jeunes générations pour continuer de faire exister ces répliques Ça, je pense que, enfin, ça fait des décennies qu'on cherche la réponse à cette question et qu'on la trouve jamais. À propos de ce film-là, comme de beaucoup d'autres, hein, c'est un peu le grand mystère du culte. Parce que même Charles Gasson, qui a produit le film, et fait partie des gens surpris. Lui, il dit que c'est la télévision qui a fait cette réputation-là. Et effectivement, j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont découvert le film l'ont découvert grâce à une cassette enregistrée avec l'étiquette au stylo de la Cité de la Peur et non pas au cinéma ou non, enfin j'ai l'impression que c'est ça qui a fait rentrer le film dans le champ du domestique littéralement quoi et après oui effectivement je pense que le côté comédie parodique cinéphile a peut-être amené plus de transmission de la part des parents ou j'en sais rien mais ce qui fait qu'un film devient culte c'est toujours un peu difficile c'est des répliques hein. C'est vraiment le cet appétit de répéter, de réutiliser des phrases dans sa vie de tous les jours. Et ça aucun film ne peut le prévoir et tous les films qui essaient de le prévoir se plantent. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois des interviews de d'acteurs qui sont en train de faire la promo d'un film et qui disent, je me demande quelle réplique va être culte. Si tu poses la question, c'est qu'il n'y en aura aucune. C'est qu'il n'y en aura aucune. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose de complètement démocratique qui échappe. Au film. On parle du film culte de Les Nuls, La Cité de la Peur, et il y a notamment une séquence dont vous vous souvenez forcément, ce numéro musical formidable entre Gérard Darmon et Alain Chabat, qui nous ont fait découvrir la fameuse Carioca. Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand, Emma Ferret, notre stagiaire Robinson Radonac et notre stagiaire réalisation Véronica Meyer. Et aujourd'hui à la technique, Fabrice Desmaz et Tiffany Battistel au mixage. Excusez-moi, je n'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien. Faisais tous comme moi. avec la carioca. Tant pis s'il faut rire aux autres danses, au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youhoupi, dansons la carioca, c'est bien. Faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Carioca, Gérard Darmon, Alain Chabat dans Blockbuster sur France Inter. Tiffany, je vais pas te prendre la tête avec ça, mais est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Mais mon chien est mort, par contre. Alors, si je pouvais dormir chez toi, tu vois, juste pour avoir une présence, un compagnon, pour pas être seul. Ça fait 3 fois qu'il est mort, ton chien. Non, mais il a beaucoup souffert. Lucie Bellet, le film La Cité de la Peur s'ouvre sur une sorte de projecteur cinématographique. Et en fait, c'est un film qui est tout entier une déclaration d'amour au cinéma et à tout ce qui le compose. Ça se passe à Cannes, on voit l'envers du décor, les attachés de presse. C'est une déclaration d'amour au cinéma. Complètement, mais c'est parce que les nuls sont de gros cinéphiles, en fait. Genre, ils ont vu beaucoup de choses. C'est presque, ça reviendrait presque à dire qu'ils ont tout vu. Et en fait, je pense que oui, c'était le film dans lequel ils déclaraient leur amour au cinéma, en même temps de parodier, de se moquer gentiment du microcosme qu'est le Festival de Cannes, qui est quand même sacralisé dans la grande famille du cinéma. Et c'est vrai que de prendre du recul là-dessus, tout en écrivant un film qui est tellement empreint de plein de références à même des choses obscures. La carioca, c'est en référence à deux choses, une chorégraphie d'un film de 1933 qui est Carioca Flying to Rio, et en même temps le film Hamburger Film Sandwich pour les paroles. Donc c'est vraiment une troupe d'humoristes qui écrivent des choses qui paraissent en apparence très banales et même très très bêtes, mais qui sont au final très référencées. Mais d'ailleurs, en revoyant le film, ce qui m'a frappé, c'est que, contrairement à ce qui pourrait être dit un peu plus tard dans l'émission sur la qualité esthétique du film, je trouve que Alain Berberian, qui a réalisé le film, a vraiment composé un travail qui est très léché, même au regard des films contemporains. Le cadre est travaillé, la lumière, il y a vraiment des moments où on s'approche même de productions américaines. Quand ils font la parodie, ils le font très très bien. Mélanie, ça a dû vous frapper en tant qu'amatrice de cinéma. Bah justement, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup quand on parle de comédie, et surtout, enfin, je trouve des nuls, c'est que quand on veut vraiment aller très loin dans l'humour, il faut le faire très bien. C'est justement, plus c'est léché, plus on essaye de faire ça sérieusement, plus en fait l'humour va être tranchant et va impacter. Et c'est vrai qu'Alain Berberian, bah, Lui, en fait, il a rencontré les nuls parce qu'il réalisait des fausses pubs et des faux clips avec Dominique Farrugia et Alain Chabat. Et alors à l'origine, en plus, ça devait être c'était Claude Berry, il me semble, qu'il devait faire avec, mais qui trouvait le scénario un peu con-con. Ce qui est le cas, c'est vrai, on peut pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que voilà, Alain Berberian, il s'est dit que là, au moins, il pourrait un petit peu s'amuser, je pense. Et justement, en poussant les potards à fond sur la débilité quand même de certaines scènes, les esthétiser, les rendre de plus en plus belles, je pense que le spectateur a encore plus envie de rire parce qu'il est encore plus impacté par l'image, alors que ça pourrait être du clip pas très joli pour accompagner une blague nulle. Là, justement, je trouve que ça donne une vraie âme au film, comme on n'en voit plus beaucoup, je trouve. C'est un peu un film à part. Après, je l'ai un peu retrouvé, moi, dans d'autres productions d'Alain Chabat. Par exemple, dans Astérix Oblix, Mission Cléopâtre, qui est aussi un film très léché, je trouve. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait assez rarement, je trouve, en tout cas de mon avis personnel actuellement. J'ai eu le sentiment de retrouver un petit peu le même genre de souci de la finition dans les deux premiers OSS 117. Je ne parle pas du troisième, non. Parce que j'ai envie de mettre Nicolas Bedos à l'amende, mais parce que je ne l'ai pas vu. Dans le style d'Azanavicius, je suis d'accord que justement Azanavicius a aussi ce côté de... Alors, j'ai pas envie que ça sonne mal, mais de l'intellectuel qui fait de la comédie un peu bousin. Et moi, justement, je trouve que c'est là où ça marche très, très bien. C'est, on va dans la blague vraiment forcée et pipi caca, en fait. Mais avec quelque chose de très, très beau pour donner, voilà, à cette sucrerie vraiment un enrobage qui est encore plus appréciable et potentiellement, en fait, qui peut ouvrir à plus de public. À un public, voilà. Moi, je vois ma maman, elle est pas fan du tout de cet humour, mais par contre, elle trouve ça très joli. Peut-être que c'est aussi ça, un peut-être peu le but. Oui, complètement. Et puis, il y a une forme de sophistication, je vais y arriver. Et puis aussi, il y a cet amour, effectivement, du cinéma dont parlait Lucie tout à l'heure. Et puis, c'est aussi la diversité, effectivement, de leur, des références. Moi, par exemple, mon passage préféré du film, c'est la parodie de Basic Instinct. Mmh. Parce qu'en plus, ça pourrait être simplement Chantal Lobby en tenue avec son chignon. Et en fait, non, c'est vraiment les mêmes mouvements de caméra. La photo est très léchée. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit, c'est pas seulement de la parodie, c'est aussi comment recréer à notre image une scène qu'on aime bien, et c'est justement tout cet amour du cinéma américain, mais sans forcément sombrer dans la référence « Ah tiens, tu vas la voir », comme ça peut aujourd'hui se produire énormément avec le cinéma américain qui a tendance à faire référence pour un oui ou pour un non. Ici, chaque référence est placée, et elle a sa légitimité dans le récit, même la séquence avec Sarah Connor et Odile, en fait, elle a son sens. C'est-à-dire, c'est pas seulement elle ouvre une porte et on lui dit Sarah Connor, c'est qu'il y a une suite à la blague, il y a une chute qui est très drôle finalement et qui montre à quel point tous les types de cinéma peuvent se mêler et qu'au fond, on peut autant aimer effectivement des comédies musicales de 1930 et tout ça, et en même temps être super fan de Point Break et de sa bromance interdite entre un surfeur et un flic, que d'aimer un thriller érotique de Paul Verhoeven. Ils se mettent aucune limite dans leurs références et on sent aussi qu'ils ont à cœur de faire ça bien. C'est pas juste là pour dire ah bah tenez, on fait une référence, hein, on est drôle. Il y a quelque chose derrière et on sent que ces films-là les ont marqués et qu'ils apportent leur sensibilité justement à la comédie. Oui, j'aime particulièrement les moments de Sam Carman quand il est chez lui en train de regarder ce petit téléviseur avec la télé locale qui expose les différents meurtres et où on le voit, on le devine que dans le miroir, et c'est vraiment filmé, mais ça pourrait presque être les 58 minutes pour vivre de Rémy Harling, d'ailleurs 2, où on voit le colonel qui s'entraîne à poil chez lui. Il y a vraiment cette même esthétisation du méchant qui regarde ses méfaits de loin. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on a affaire à une galerie de comédiens qui sont, voilà, Sam Carman, c'est habitué de Bakri Jaoui. Et d'ailleurs, Bakri est aussi dans le film. Il y a aussi tous ces guests qui interviennent dans la Cité de la Peur et qui apportent une plus-value. Théo. Oui, des guests effectivement. Non, simplement sur la cinéphilie du film et le fait que ce soit effectivement assez léché. Moi, j'ai le sentiment que toutes ces troupes comiques, les nuls, les inconnus aussi, peut-être même plus encore les inconnus, mais pas forcément avec le même objet dans le viseur, se sont fondés sur un truc de mimétisme. C'est vraiment c'est des parodies du cinéma de leur époque, de la télévision de leur époque. Enfin, c'est des fausses pubs, c'est Et ben à force de faire le faux, on finit par savoir assez bien faire le vrai en fait. Et je crois que c'est ça qui a porté force d'imiter. Ils ont réussi, ils ont chopé des petites bribes. Et effectivement, c'est toute la carrière de Michel Hazanavicius. Et effectivement, d'ailleurs, c'est peut-être un peu moins le cas de OSS 117 maintenant que c'est plus Michel Hazanavicius qui les fait. C'est des exercices d'imitation. C'est ça qui les a tous fondés. Après, là, je voulais juste revenir sur une chose qui a été dit tout à l'heure sur le fait que c'était une déclaration d'amour au cinéma, mais c'est aussi un film, là en le revoyant j'en ai un peu pris la mesure, assez c'est une satire assez féroce en fait. On va y venir juste après, okay, justement. C'est ne brûlez pas les étapes. On va continuer de parler de la Cité de la Peur juste après avoir écouté Jungle et Talk About It. Et je vous invite à voir le clip, car non seulement ça met la pêche dans les oreilles, mais aussi par les yeux. Bon, Simon, pour les lits, comment on fait? Tiens, plus ou face? Ok. Donc moi je prends l'autre. C'était Jungle avec Talk About It. Frédéric Sigrist. Sarah Connor. D'un côté. Blockbuster sur France Inter. Théo Ribeton, on était en train de parler justement de l'aspect satire de La Cité de la Peur. Et c'est vrai qu'en ayant choisi Cannes, en ayant aussi en donnant cette image des comédiens par les traits de Dominique Farrugia, Simon Jérémy qui lui en fait est entré parce qu'il connaissait l'ouvreuse voilà, mais qui rêvait de devenir projectionniste, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une critique très féroce de Cannes et je dirais du phénomène Cannes. Bah, moi c'est ça qui m'a... J'ai revu le film pour préparer l'émission, je l'avais pas revu depuis l'adolescence et c'est ça qui m'a... C'est-à-dire il y a trois jours. C'est ça. Et c'est ça qui m'a un peu frappé, parce que effectivement, j'avais pas tellement pris la mesure de ça, mais enfin, le film est assez agressif en fait. Je pense qu'ils ont un peu eu envie de tirer au bazooka sur ce milieu-là, ce qui est d'une certaine manière une facilité, mais ce qui est fait avec une férocité quand même quand on voit l'acteur. Arriver, bon, il y a cette idée, généralement, les acteurs dans les comédies, ils vont être superficiels, ils vont être un petit peu, oublieux, ils vont être narcissiques, mais là, c'est un attardé mental, quand même. Enfin, vraiment, il a un cruc d'acteur non accompagné autour du cou, un ballon de baudruche. Enfin, je trouve que la satire est de calibre Charlie, quoi. C'est pas gentillé. Non, c'est une vraie. Et l'attaché de presse assoiffé de sang, c'est un peu plus téléphoné, mais c'est quand même, je trouve que le film est fiez-le, et c'est pas du tout incompatible avec le fait d'être un film amoureux de cinéma, et c'est peut-être même d'ailleurs d'une certaine manière tout à fait compatible, parce que au fond il s'attaque à ce qui est une sorte de microcosme qui corrompt peut-être la pureté de cet art. Enfin là, je m'embarque peut-être un peu loin, mais voilà quoi, que le spectacle des stars et du cinéma est montré avec une acidité quand même que j'avais un peu oublié. Océane Zerbini, vous aviez beaucoup plus de d'empathie pour le personnage de l'attaché de presse. Bah c'est pour Odile ça effectivement, pour moi, on peut faire une déclaration d'amour au cinéma, à une grande famille du cinéma, tout en pointant les défauts. Mais c'est vrai que, ayant été un peu blogueuse, ayant été un peu critique, comme certaines ici autour de la table, eh ben on connaît un peu ces attachés de presse qui sont un peu désespérés à l'idée de vouloir faire un peu de pub pour le film. Et en fait, en grandissant, plus ça va et plus j'ai un peu de compassion pour Odile, toute proportion gardée, parce que c'est quand même pas un métier évident. Au final, on l'a même vu pendant la crise sanitaire du Covid, il y a carrément eu un collectif d'attachés de presse qui s'est monté pour continuer quand même à pouvoir exercer leurs conditions de travail. Parce que c'est vrai que c'est quand même un métier qui est souvent montré de manière assez ingrate, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et en soi, le fait que le film ait une héroïne qui soit attachée de presse, je trouve déjà que c'est quand même une preuve qu'il faut autant mettre en avant les stars que les rouages du système, comme les projectionnistes, comme leurs machines, et comme au final voilà, les attachés de presse et tout ce qui y est autour. Donc effectivement, parfois ça tire un peu au bazooka, mais j'ai aussi eu l'impression que Nul tenait à rappeler un petit peu qu'est-ce qui compose le microcosme en profondeur. C'est-à-dire du que ça cinéma. Descend peut-être un petit peu les stars, mais ça met en valeur les gens qui sont plus là souvent au dans l'ombre. Quotidien et qui ne comptent plus leurs heures et qui doivent assurer n'importe quelle mission, y compris aller voir la veuve d'un projectionniste. Alors un film et des humoristes qui n'hésitent pas à faire des blagues à base de paix ou de vomi, vous imaginez bien qu'en France, il y en a, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Ben, ça fait rire pendant un petit quart d'heure. C'est pas beaucoup. Hein, c'est pas beaucoup parce que y a un gars, deux ou trois gags qui sont drôles. Alors évidemment, si ça vous fait hurler de rire de voir brusquement une petite parodie de Pretty Woman et de Basic Instinct, donc la cinéphilie est quand même très très très minime, hein, on peut pas dire qu'on demande un gros effort. Si un film c'est pas les 400 couilles. Hein, oui, il y a et ça. Et puis il y a aussi Les Amants du Pont-l'Évêque de Monsieur Fromager. Voilà. Non mais ça vous a fait rire ça. À mort. Non, à mort, oui. À mort. Je pense qu'effectivement, on s'ennuie, mais par intermittence. C'est pas les 15 premières minutes qui m'ont plu et ensuite le reste m'a ennuyé. Parce qu'on espère. De temps en temps, il y a quelques gags. Je veux dire, c'est effectivement de genre parodique, de pastiche de film. Mais je crois que ce qui manque au film, au fond, outre le fait qu'il n'y a pas de mise en scène, je veux dire, c'est pas un film de cinéaste, c'est essentiellement des sketchs. Mais ce qui manque surtout, c'est que pour faire une satire qui porte, il faut être très précis par rapport à l'objet de la satire. La satire peut être basée sur l'exagération, mais l'exagération de choses qui, au départ, existent vraiment. Or, ce festival de Cannes où on montre sans arrêt des films moldovalaques et bulgares n'existe pas. Et d'autre part, cet attaché de presse qui montre un film au marché aux films, qui est ensuite montré en compétition. C'est drôle, et à part ça, bon, je veux pas non plus détourner, c'est vrai que c'est filmé à la hache. Et alors, au bout d'un quart d'heure, comme on comprend que c'est une suite comme ça de meurtres où les projectionnistes se font assassiner les uns après les autres, on se dit qu'est-ce qui peut se passer? Le prochain va être assassiné aussi. Mmh. Et on commence à s'ennuyer, mais mortellement, c'est le cas de le dire, je le répète. Un mauvais moment à penser. Lucie Bellet, est-ce qu'effectivement La Cité de la Peur est un film où on peut s'ennuyer? J'ai levé les yeux au ciel. En tant que spectatrice et cinéphile, je ne comprends je ne conçois pas qu'on puisse s'ennuyer devant tellement tout fonctionne. C'est-à-dire que même si je prends que les répliques du film, toutes les répliques sont des blagues, toutes les répliques sont drôles, toutes les répliques sont intelligentes. C'est-à-dire que vraiment, si on se désintéresse du film, c'est que on a de tension ou qu'on n'arrive pas à suivre le rythme. En fait, je pense que c'est un film tellement où tout va à mille à l'heure que oui, évidemment, on peut décrocher, mais c'est je ne conçois pas qu'on puisse s'ennuyer devant. Évidemment que le film est téléphoné entre guillemets. Puisque oui, c'est l'histoire de projectionnistes qui sont assassinés, mais c'est le même principe qu'un slasher. Je veux dire, à ce moment-là, les gens qui n'ont pas aimé le film, pour cette raison, n'ont pas non plus aimé Halloween de Carpenter, par exemple. Alors que c'est tout le principe du film. Sauf que là, c'est un slasher qui est déplacé dans le monde du cinéma, dans le monde de Cannes, et il y a tellement de niveaux de lecture au film. Que non, je comprends pas. Et est-ce qu'au fond, c'est pas la satire dont parlait Théo Ribeton, justement, qui est mal passée à cette époque, c'est-à-dire qu'ils l'ont bien senti, ce côté fielleux, pour reprendre le terme, et que c'est ça qu'ils ont sanctionné à ce moment-là aussi, parce que il y avait vraiment les nuls sont arrivés, c'était déjà les rois de la télé, ils sont arrivés en ayant ce regard très critique sur un milieu du cinéma, et ce milieu du cinéma a répondu avec son vocabulaire habituel, qui est de dire mais c'est des débiles. Je comprends pas parce qu'il y a tellement de... Enfin, je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a tellement de tendresse en même temps dans le film, par-delà la satire, que c'est, à mon avis, un contre-argument. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait par des cinéphiles pour des cinéphiles. Et je pense que ce qui a mal été pris, c'est que ça a pas été fait pour la version, dirons-nous, élitiste du terme cinéphile, mais la version première, c'est-à-dire que ça a été fait par des gens qui aiment le cinéma pour des gens qui aiment le cinéma. Pas un certain type de cinéma, tout le cinéma. Juste des gens qui aiment voir des films. Une démocratisation de la cinéphilie. C'est ça. C'est un film... Je pense que c'est le fait que ce soit un film plutôt grand public, finalement, qui est déplu, peut-être. Et il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui, à mon avis, a aussi fait la différence. C'est que les nuls ont eu l'humilité, même dès le générique, de dire un film de les nuls, mais il y a aussi des vrais acteurs. Mais néanmoins, que ça soit Chantal Lobby, Dominique Farrugia ou Alain Chabat, et en ayant revu le film pour préparer cette émission, ça m'a encore plus frappé, jouent extrêmement bien. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont une partition où ils disent évidemment des âneries énormes, mais quand Alain Chabat croise Odile Deray à l'aéroport et qu'elle lui dit « Non, je suis le pape et j'attends ma sœur », il attend véritablement sa sœur. Oui. Et il n'y a aucun moment où, contrairement aux comédies modernes, où il donne un coup de coude au spectateur, « Vous avez vu comment je suis teubé ?» Il le joue très premier degré. Mélanie, il y a cette dimension de jeu qui est assez impressionnante chez eux. Ben, c'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire au plus sérieux pour faire au plus drôle, en fait, justement. Je trouve que ça passe très très bien et on voit un petit peu le pendant quand il y a par exemple l'émission télé justement qui regarde sur sa petite télé dans son petit hôtel où là par contre oui là c'est ridicule, là c'est mal joué, là c'est too much et en fait justement ce pendant il est mis un petit peu tout du long. C'est alors je suis d'accord que voilà Odile Deray, enfin le personnage d'Odile et celui de Karamazov sont assez justes, mais celui de Simon Jérémy justement lui il est toujours, Dominique Farrugia, je le trouve toujours un petit peu sur le fil, quoi. C'est que il y a des fois, ça fait très sérieux, et puis l'instant d'après, il dégringole. Bon, faut dire, il vomit quand il est content. Voilà. Il a une partition de jeu qui est quand même extrêmement compliquée. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que on sent qu'il s'amuse aussi beaucoup. C'est, j'avais vu une interview. Je me demande si c'était pas dans le making of de l'actrice d'Odile Deray qui disait. Moi, voilà, mon personnage, je l'ai construit dans ma tête, mais je l'ai pas dit aux autres. J'ai préféré, en fait, me le construire d'abord moi-même, donner quelques petits indices, mais pour qu'en fait, les autres acteurs s'en rendent compte au moment du tournage. Et justement, je me demande si, en fait, cette surprise que même nous, en tant que spectateurs, on a de ce sérieux qu'elle peut avoir en disant des énormes conneries, je me demande si les acteurs en face, justement, ça les aide pas aussi un petit peu à garder leur sérieux tout en sachant que ça va faire effet boule de neige au bout d'un moment, quoi. Je Je vous ai réservé une chambre Martinez. Vous connaissez le Martinez, Simon ? Non. Vous y serez très bien. Je vous veux comme un coq en pâte, ici. Monsieur Karmazov, il va falloir emmener Simon partout. Hein. Il va être très sollicité, vous savez. C'est l'effet Kahn. Vous pouvez m'appeler Serge, si vous voulez. Regardez la route, Cara. Simon, vous me direz où vous voulez dîner ce soir. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malade en voiture ? Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Océane Zerbini, vous disiez que vous aviez vu La Cité de la Peur avec un projectionniste. Oui. Mais ça doit être une autre expérience de voir ce film qui donc parle de l'envers du décor. Et complètement. Est-ce qu'il y a vraiment une kinoton ? Oui. Effectivement, et en plus le film a été tourné en partie au Forum des Images d'ailleurs. Mais du coup, c'est une expérience très intéressante puisque c'est vrai que les projectionnistes, on en connaît assez peu finalement dans le cinéma. On pense à Fight Club, on pense peut-être à Cinéma Paradiso, mais c'est vrai que pareil, c'est une catégorie de techniciens qui sont un peu en voie de disparition aussi, notamment avec l'apparition du numérique notamment. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un film un peu en forme de testament aussi un peu du métier. Et c'est vrai que le voir avec un projectionniste qui vous dit toutes les deux minutes, ah bah alors ça c'est une kinoton, ça c'est tel modèle, ça c'est tel modèle. Bah au final, on voit aussi à quel point les nuls ont été assez soucieux du détail justement. Et c'est ça aussi une preuve de leur sérieux, de leur fiabilité, c'est qu'ils ont poussé tout ça au moindre détail. Et c'est vrai que quand on voit certains films dans lesquels il y a des faux projecteurs, mais qu'on sent que c'est du DVD, on voit tout de suite la différence entre La Cité de la Peur et plein d'autres films. Et c'est vrai aussi que c'est entre autres pour ça que j'ai une tendresse pour le film, c'est que il se tourne vraiment là où sont les projecteurs en fait. Et ça, on ne voit pas si souvent que ça. Surtout que par exemple dans Fight Club, c'est quand même assez satirique justement. C'est une satire à l'acide au contraire. Et Tyler Durden est l'emblème du chaos. Et ici, le projectionniste est un peu un martyr en fait. Les pauvres, ils ont rien demandé et ça coupe. Et puis, en général, ils sont même assez sympathiques. Ah bah oui. Parce que bon, mais ils sont forts en gueule, mais ils veulent souvent même aider le tueur à mieux tuer, parce que vous allez vous blesser avec ça. Ah ouais. Mais c'est cette apparition de Jean-Pierre Bacri. Enfin, quand on la revoit aujourd'hui, c'est encore plus touchant, ouais, au même titre que les caméos de Bruno Carrette. Oui. C'est le fameux pétoman Mizu Mizu. Exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, revoir Bacri dans le film, ça fait un petit pincement au cœur. Et Théo Riboton, vous voyez beaucoup de films et beaucoup de comédies aussi. Et est-ce que on peut véritablement dire, sans avoir l'air de balancer le c'était mieux avant, mais que il y avait un art de concevoir la comédie qui était différent de celui d'aujourd'hui? Eh ben, en fait, je pense n'a pas tellement eu de continuité. C'est plutôt quelque chose qui n'était pas lié au cinéma, mais à la télévision. Et d'ailleurs, je pense que j'ai un peu l'esprit de l'escalier. La première question que vous m'avez posée, c'était pourquoi ça s'est transmis, etc. Est-ce que je pense qu'en fait le film a été le support d'une transmission des nuls, mais des nuls comme souvenir de télévision, de la même manière que les trois frères ont été le support d'une transmission des inconnus. Et je crois que ce qui a manqué à partir des années 2000, ce sont des troupes comiques à la télévision qui avaient l'acuité sur leur contemporain, sur leur télévision contemporaine, leur politique contemporaine, et qui arrivaient à parodier ça. Et le Palmacho, ça rentrait pas dans en ce direct. Ouais, pour moi, c'est non. Non. Mais et je crois que ça s'est un peu perdu. On aurait pu imaginer que ça soit vraiment repris par YouTube, mais je pense que c'est pas le sujet de l'humour sur YouTube, parce que les YouTubeurs ont autre chose à faire que d'imiter la télévision, parce qu'ils sont pas sur le même média. Donc, c'est des généralités. Hein. Forcément, c'est un peu schématique, mais je crois que c'est ça qui a eu un âge d'or comme ça avec ces deux troupes-là qui étaient les nuls et les inconnus et dont les films ont été un peu les consécrations. Mais en vrai, c'est pas une question de comédie de cinéma, c'est une question de télévision, je pense. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais histoire de s'ambiancer comme il faut, on va écouter Major Lazer et Swae Lee et Aya Nakamura qui chantent C'est cuit. Je te rappelle, c'est affreux. Il veut soigner tous mes maux, mais je lui dis d'aller doucement. Yeah. Il veut effacer mes doutes et mes peines et sa tendrement. Yeah. Mais moi, je marche à l'instinct. Est-ce que tu sens cette énergie? Je le ressens dire ça jusqu'à la fin. Sinon, c'est mort, je vais tracer ma route. C'est cuit, c'est cuit. c'est qui? En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pépite. Yeah. Baby, don't you go nowhere. Freeze, even though you get what you want, say please. I can put a date on it, say when. Spinning friendships, baby, scream wee wee. I'm all shawty. She coming toward me, catching on. Pull over, how crazy you drive me. I make promises to call. Mais moi, je marche à l'instant. Est-ce que tu sens cette énergie? Je vais ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon, c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pépite. C'était Major Lazer, Aya Nakamura et Swelly qui chantaient C'est Qui dans Blockbuster sur France Inter. C'est Qui. Stop ! N'avancez plus, Bialès. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Et ce coup-ci, plus de tapette pour vous sauver. Je veux dire que monsieur est commissaire de police. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, si, il bluffe, là. Ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer, là, quand même. Si, il bluffe, là. Moi, je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi, je vote et je dis il bluffe. Ça suffit! Vous essayez de gagner du temps. Non. Bon, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute! Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Aïe! Yes! Je vais voter, il bluffe pas. Hein. Peut-être qu'il bluffe, hein. Peut-être qu'il avait qu'une seule balle. Aïe! C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Monsieur le préfet? Non, voilà, on a une prise d'otage. Le commissaire Bialesque est salement blessé et une attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. Dites au préfet que je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute! Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, ça suffit! Je compte 5, 4, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque! Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf! Pastèque! Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Ouais, on parlait de répliques cultes. Ça, c'est quand même assez incroyable parce que je vois, par exemple, avec mes enfants qui n'ont encore jamais vu La Cité de la Peur, ils ont déjà intégré certaines des répliques. Alors que revoilà Madame la sous-préfète, où il dit qu'il voit pas le rapport, c'est rentré dans le langage commun. Donc au niveau des dialogues, il y a quand même quelque chose qui a dépassé même les images pour tout de suite devenir culte. Mais en fait, c'est le film. N'est que ça en fait, c'est vraiment, on est dans la réplique culte, on est dans aussi même le comique de situation culte qu'on a envie de revoir. Juste, moi il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est, j'avais vu ça dans une vidéo de la chaîne Calmos, justement sur une vidéo sur la Cité de la Peur, qui avait comptabilisé que dans la scène d'ouverture donc de Red is Dead, il y avait 57 gags en 3 minutes. C'est quand même énorme. Et justement, de se dire, on en est quand même là, de se dire que c'est un film qui, en 3 minutes d'entrée de jeu, a mis 57 gags. Tout le film, c'est que ça. Je pense qu'en fait, on est tellement submergé qu'on n'a pas le choix, en fait, de s'en abreuver. Et on n'a pas le choix de tous les retenir. Là, voilà, pendant qu'il y avait le passage qui passait, nous, on les refaisait toutes les répliques parce qu'on les connaît par cœur, en fait. Et c'est beau, au final, de se dire qu'il y a des films comme ça qui en fait, qui sont juste qu'on se passe, bah, comme on disait tout à l'heure, de parents à enfants. Et c'est ce qui rend en fait certaines comédies vraiment cultissimes. Mais ce qui est fou, c'est que souvent, dans les films, dans les comédies, il y a le processus d'identification qui fonctionne à fond. Mmh. Alors que j'ai l'impression que chez les nuls, c'est vraiment des personnages qui vivent dans une sorte de, presque d'univers parallèle. C'est l'univers du sketch, en fait. Qui est l'univers du sketch, c'est et qui est l'univers de la cinéphilie. Mais on n'est pas dans une dénonciation de quoi que ce soit, dans une critique de quoi que ce soit. C'est juste que on est dans un monde où effectivement, bah, Gérard Darmon peut se prendre deux balles dans les genoux et dire, hey, les gars, là, ça fait mal, hein, c'est lourd. Et qui me fait penser justement à y a-t-il un pilote? C'est ça, les As. Surtout, moi, je trouve, il y a une très grosse, c'est souvent, on dit, voilà, c'est très inspiré des As ou du Monty Python. Pour moi, c'est surtout Mel Brooks. Mel Brooks, oui. Justement, avec cette suspension d'incrédulité où on nous fait croire tout et n'importe quoi. On se dit, oui, c'est comme ça. Il y a aussi la métalepse, le fait de faire que, en fait, la caméra, en fait, fait partie aussi de l'univers. Et ça, c'est-à-dire qu'on assume en permanence le fait qu'on est dans un film et exactement. Que rien de ce qui se passe à l'écran n'est réel. C'est ça, et ça c'est vraiment très très imbriqué dans le cinéma de Mel Brooks, donc dans cette comédie burlesque qui va trop loin parfois, mais je pense que c'est celle justement dont on se rappelle le mieux potentiellement en fait. Océane Verbi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que justement cette avalanche de gags et de références, en fait, j'ai l'impression que aujourd'hui, je ne les retrouve que dans un seul duo, qui est celui de Phil Lord et Chris Miller, qui ont fait les films Lego Movie, qui ont fait les 21 et 22 Jump Street, les tempêtes de boulettes géantes. Et j'ai en fait, c'est pour moi les seules à l'heure actuelle qui m'évoquent ce sentiment dont vous parlez, c'est-à-dire une avalanche de gags constante, hyper référencée, mais qui a un sens dans la référence. Et qui nécessite peut-être plusieurs visionnages pour tout comprendre. Parce qu'au fond, La Cité de la Peur, quand je l'ai vu il y a un an, j'avais pas forcément compris ce que j'ai compris en le revoyant, notamment le gag avec la tasse de thé et les 15 morceaux de sucre que met Valérie Le Mercier dedans. C'est vraiment ce type de film qui nécessite plusieurs revisionnages pour être sûr qu'on a tout compris. Et en fait, je suis certaine que je n'ai toujours pas tout vu et pas tout compris. Mais c'est pas grave parce que ça veut dire que je vais pouvoir le revoir. Donc c'est cool. Et ce qui est marquant aussi, c'est qu'ils ont fait un carton avec ce film et qui aurait sûrement pu appeler d'autres films, des suites, etc. Et en fait, non. Ils ont arrêté. Chabat a continué sa carrière en solo. Chantal Lobby, elle a continué sa carrière de comédienne. Farouja est devenu producteur. Il y a vraiment eu cet aspect. On termine sur un film point d'orgue et on s'en va. Comment vous avez vécu ça? J'aime pas forcément tout ce que font tous ces gens dans toute leur carrière, mais je reconnais à Chabat, bon, déjà un talent comique immense, mais une très grande éthique de travail. Et effectivement, le fait qu'ils aient jamais fait de suite, enfin, pour le coup, avec l'actualité qu'on a pour la comédie en ce moment, je trouve que ça montre quand même une grande lucidité sur qu'est-ce qu'il faut faire de ce genre de succès-là et sur le fait que c'est pas vraiment rééditable en fait, et que même si on met exactement les mêmes personnes, et ben ça sera un film qui ira pas dans la catégorie de La Cité de la Peur, c'est un film qui ira dans la catégorie des Bronzés 3, d'OSS 117 3 et de Kaamelott le film, et donc qui probablement ne resterait pas vraiment dans les mémoires, et Chabat est vachement lucide là-dessus, il est très lucide sur lui-même aussi, il sait exactement à quel endroit il a du talent, lui il dit, moi j'adore Jerry Lewis, j'adore Buster Keaton, j'adore De Funès, mais moi je sais rien faire avec mon corps, je sais pas faire ça comme eux, et honnêtement, ben je le dis ça sans aucune méchanceté, c'est vrai, enfin Chabat c'est un acteur de flegme, c'est un Bill Murray, et il le dit, il prétend pas qu'il sait tout faire, il sait exactement où il est bon, il le dit, et enfin voilà, je trouve qu'il a une éthique de travail qui est assez appréciable, et je trouve ça beau que ce soit vraiment chouette que ce n'est pas de deux, même s'il est... Eh bien, merci. C'est la fin de cette émission. Lucie Bellet, Océane Zerbini, Mélanie Toubeau, Théo Ribeton, merci d'avoir évoqué ce grand film qu'est La Cité de la Peur, un film qui dit beaucoup plus de choses sur le cinéma qu'on ne pourrait le penser. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, vous connaissez le répondeur, ou en parler directement sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. S'il vous plaît, si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse. Je me présente. Rare. Je suis l'attachée de presse, Odile Duray. Ah, bon. Alors vous prenez un dossier, et si vous manquez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre au Martinez. Hein? Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ray. Odile De Ray. De toute façon, c'est moi qui vous rappelle. Demain dans Blockbuster. Bien avant Lionel Messi, Paris a connu Claude MC. Claude MC, le rappeur préféré des profs de lettres et des crucibérbistes. Un rappeur que l'on a du mal à comprendre, pas parce qu'il parle trop vite, mais parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire. Un rappeur originaire de Dakar qui a su mettre tout le monde d'accord. Demain, on parle de MC Solar. France Inter.